Sur ta gondole, en mangeant en grand de l'ascarole. Oh, tu braillais pour elle et moi. Zabazo, zabazo, zabazo, elle et moi. Oh, tu te rappelles. On coulait glou glou glou glou glou glou, poussant des cris. Au secours! Oui, mais toi, la Bayambelle, tu chantais gros gondolier. Dalida gondolier, si tu la vois, amène-la-moi mon pote, oh, dans les bras d'un autre.